Je vous souhaite un très bel après-midi tout de suite. C'est Histoire vivante sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Elle s'adresse aux gens en disant que vous qui êtes habillés de votre peau, de vos os, de votre peau, qu'avez-vous fait ? Elle parle au couple, et puis elle revient aux choses essentielles en disant « Mais je vous en prie, faites un pas, marchez, faites un pas ou dansez, je sais plus, qu'on ne soit pas mort pour rien. » Cette semaine, féminisme et résistance. L'écriture justement de Charlotte Delbault est un choix d'écriture théâtrale. Elle n'est pas dans la narration, elle choisit clairement le théâtre, c'est-à-dire de donner à entendre une parole. C'est-à-dire que pour elle, le mot n'acquiert vraiment sa valeur que quand il est proféré. Portrait de femme au combat. Oui, je pense que c'est jouable à condition de ne pas prendre un parti de réalisme. Parce qu'on ne peut pas jouer ça de façon réaliste. C'est-à-dire qu'il faut une chorégraphie, il faut une manière de dire. Et moi, je pense que c'est tout à fait jouable. Charlotte, Delphine, Carole et les autres. Aujourd'hui, suite de cette biographie de Charlotte Delbault, en compagnie de Christiane Page, professeure des universités en études théâtrales à l'université de Rennes 2, Haute-Bretagne, département art du spectacle, lettres et communication, ainsi que d'Agnès Braunschweig, comédienne de la compagnie Prospero Miranda, metteur en scène de « Qui rapportera ses paroles ?» d'après Charlotte Delbault. Qui est pour vous, Charlotte Delbault ? Charlotte Delbault, c'est une femme admirable, voilà, je crois que c'est ce qui me touche dans son écriture, parce que moi c'est son écriture qui m'intéresse, c'est qu'elle parle au nom des femmes. Elle parle pas à leur place, mais elle parle des femmes, parce que ce qu'elle a vécu, elle l'a vécu avec des compagnes qui étaient toutes un petit peu dans le même cas qu'elle, c'est-à-dire des femmes qui se trouvaient privées de leur mari, de leur amant, de leur fils, de leur père, et qui vivaient cette perte. Et elle a écrit, je dirais, moi je trouve que toute son œuvre, dans toute son œuvre théâtrale, je parle plutôt du théâtre, dans toute son œuvre, on trouve, je dirais, ce cri des femmes à qui on enlève leur objet d'amour. Et c'est ça qui m'a touchée chez elle. Et alors ça m'a touchée, moi en particulier, le premier texte, j'avais un ami, Claude Schumacher d'ailleurs, un ami suisse, qui m'avait engagé à lire les textes qu'elle avait écrits en revenant d'Auschwitz, et j'avais refusé parce que c'est une littérature qui me terrifie. Jusqu'au jour où j'ai lu son petit texte qui s'appelle « Une scène jouée dans la mémoire ». Et une scène jouée dans la mémoire, ça parle de Charlotte. Enfin, donc, elle a pris un double pour le personnage, c'est Françoise. Françoise et Paul, et c'est le double du couple de Charlotte qui était Charlotte et Georges. Et cette scène jouée dans la mémoire, c'est au moment où elle est enfermée. Elle a été arrêtée pour fait de résistance. Elle est enfermée à Romainville. Et un matin, on vient la chercher pour dire adieu à son mari qui avait été arrêté en même temps qu'elle. Voilà, son mari a été fusillé après. Et c'était, je dirais, c'était pour moi, dans ce que j'ai lu après de son œuvre, ça a été l'élément clé de son œuvre après. C'est-à-dire que dans toute l'œuvre, on retrouve un moment où il est question d'une séparation. Et pour moi, ça a été quelque chose d'énorme parce que elle ne parle jamais comme une victime, mais elle fait sans arrêt, elle revient sur ce qui se passe pour une femme quand elle perd son objet d'amour. Donc voilà. Et moi, j'ai beaucoup écrit là-dessus. J'ai écrit plusieurs articles. Un où j'ai retracé un petit peu, j'ai repéré à peu près dans tous ces textes les moments où il est question d'une séparation. Par exemple, dans Les Belles Lettres, qui est un texte qui n'est pas un texte poétique, qui est un texte qu'elle a écrit en 61 au moment de la guerre d'Algérie. C'est un ensemble de lettres, de personnalités et de gens comme nous, enfin, ordinaires, mais aussi de résistants algérien, et les deux dernières lettres sont absolument magnifiques parce que l'avant-dernière lettre, c'est une femme algérienne qui écrit à son mari en lui disant qu'ils seront à nouveau heureux quand il sera libre et qu'ils seront indépendants. Et toute la lettre, c'est une femme qui écrit à son mari en espérant que son mari va être délivré. hein, mais qui est bon et qui assure le quotidien, etc. Et la dernière lettre, c'est une lettre de d'un Algérien qui vient d'apprendre qu'il est condamné à mort. Et qui écrit à sa femme. C'est pas la même, hein. C'est pas, donc c'est deux courriers qui se croisent, mais qui sont tout à fait étonnants parce que tout d'un coup, on prend conscience, à lire ces deux lettres l'une à la suite de l'autre, on prend conscience de ce que c'est que d'écrire à quelqu'un en pensant qu'il va recevoir la lettre. Et, pour le mari qui écrit qu'il va mourir, d'écrire à quelqu'un en sachant que la personne, quand elle recevra la lettre, lui sera mort. Donc il y a tout un jeu, enfin un jeu si on peut dire, mais il y a, et c'est quelque chose de tout à fait remarquable dans son travail. Donc elle en a parlé, donc c'était déjà la première occurrence, la première fois qu'elle en parlait dans ses textes. Après, dans ceux qui avaient choisi le texte publié en 2011, elle reprend la scène jouée dans la mémoire, dans qui rapportera ses paroles, enfin dans tous ses textes, à un moment donné, il y a la question d'une femme qui perd son amour. Et dans ceux qui avaient choisi, elle fait quelque chose d'encore plus remarquable, c'est-à-dire qu'en racontant la scène d'adieu, enfin sous forme théâtrale, on se rend compte que... ce que vit la femme au moment où son mari lui dit adieu. Son mari lui dit qu'il a vécu 6 années merveilleuses avec elle et qu'il ne regrette rien. C'est-à-dire qu'il part à la mort confiant. Confiant parce qu'il reste accroché à son idéal. Et elle, en l'entendant, en le voyant, ce qui lui vient à la tête, à l'idée immédiatement, c'est qu'elle aurait tout donné pour encore une nuit avec lui. Elle aurait tout donné pour le garder encore. Et que, au moment où son mari accepte de mourir et lui donne un devoir de mémoire, elle est prête à renoncer à leur idéal politique pour le garder vivant. Et que rien ne compte plus que la vie. Et il y a quelque chose de magnifique, c'est-à-dire, enfin de magnifique, de terrible, c'est-à-dire le moment où ils s'aiment et au moment ultime, elle ne peut plus être sur la même longueur d'onde. Donc elle n'est plus ce qu'il croit qu'elle est. Et elle lui ment pour lui faire croire qu'elle continue à être sur la même longueur d'onde. Elle est plus qu'une femme, Charlotte Delbault, comme je vous entends le dire. C'est une femme qui devient un être humain, enfin, qui se dépasse son statut sexué pour atteindre... quelque chose d'universel et quelque chose de magnifique. Et d'autant plus magnifique qu'en plus, elle ne prend jamais, je dirais, la pose d'une victime. Dans ses pièces de théâtre, on ne voit jamais les bourreaux, les SS, les capots, jamais. On ne voit que les femmes en train de lutter, les femmes en train de se soutenir. Et ce qui est remarquable chez elle, c'est que au lieu de, je dirais, de nous attendrir sur des atrocités, elle nous pose la question du choix. Et ça, c'est le titre de sa pièce, c'est ceux qui avaient choisi. Donc, et elle le dit que le choix, donc elle nous prend, je dirais en tant que spectateur ou collecteur, c'est très important aussi, parce que on ne nous fait pas une leçon de morale, mais on nous dit, et toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et elle a un poème magnifique que je ne connais pas par cœur, qui s'appelle « Sur les vivants », où elle dit vraiment bien les choses. Mais ça, il faudrait que quelqu'un vous le lise, parce que là, je le connais, je l'ai pas assez en tête pour le restituer comme ça. Les mots que vous n'avez pas en tête, vous les avez peut-être dans le cœur, il suffit d'en avoir un ou deux, ça serait lesquels? C'est-à-dire, elle s'adresse aux gens en disant que vous qui êtes habillés de votre peau, de vos os, de votre peau, qu'avez-vous fait? Elle parle au couple, des petites brouilles des couples, et puis elle revient aux choses essentielles en disant, mais je vous en prie, faites un pas, marchez, faites un pas ou dansez, je sais plus, qu'on ne soit pas mort pour rien. Histoire vivante, cette semaine, féminisme et résistance. Suite de l'entretien avec Christiane Page. Pour vous, Christiane Page, l'écriture théâtre de Charlotte Delbault, c'est une intention théâtrale ou c'est un peu à côté du théâtre ou c'est pleinement du théâtre puisque en effet ayant côtoyé Jouvet, il semble que l'effet après soit inévitablement contagieux. Alors c'est pleinement du théâtre. C'est pleinement du théâtre. Et pour moi, ça n'est pas rien qu'elle, la trilogie d'Auschwitz, par exemple, on la retrouve dans ses pièces de théâtre. Mais on la retrouve d'une autre manière. Et elle le dit très bien. Elle dit, à la lecture, on a des mots. Mais, à la scène, on entend les paroles. Il y a quelque chose, la parole, elle est portée, elle est entendue, elle est incarnée. Et donc, elle passe beaucoup mieux qu'à la lecture, silencieuse. Donc, il y a une vraie démarche théâtrale, y compris, je dirais que, alors, elle est de l'époque de Jouvet, ça veut dire qu'elle a une conception du personnage qui n'est pas forcément la conception, je dirais, que maintenant les théâtreux ont du personnage dans le théâtre contemporain. Mais il y a une dimension chez elle qui est forte quand elle parle du personnage, c'est qu'elle parle de l'acte. Et moi, je suis peut-être un peu rétro, mais je trouve que cette dimension, elle est essentielle. C'est-à-dire l'acte, c'est-à-dire que, voilà, c'est jamais la victime, c'est toujours l'acte. C'est-à-dire que, et c'est dans le... Alors, c'est vrai que c'est un peu la tragédie, ses écrits sont quand même... Enfin, qui rapportera ses paroles, ça fait un petit peu penser à une tragédie. Mais il y a quand même quelque chose de très positif dans son écriture. Il y a quelque chose de tout à fait surprenant, Christiane Page, dans le parcours de Charlotte Delbault, c'est qu'à maintes reprises, elle revient au théâtre de l'Athénée, et puis les circonstances de la vie, extérieures ou pas extérieures, font qu'elle en repart, elle va en repartir plusieurs fois de ce théâtre de l'Athénée, comme si quelque chose la faisait partir ailleurs. Alors là, je peux pas bien vous répondre parce que c'est vrai que Violaine pourra vous répondre certainement. Moi, je me suis vraiment beaucoup plus accrochée à ses écrits, à son œuvre théâtrale. Au reste aussi, maintenant j'ai tout lu parce que comment dire, j'ai pas envie d'interpréter ce qu'elle a fait dans sa vraie vie. J'ai plutôt, je me dis que sa parole d'artiste, ce qui me touche, c'est ce qu'elle a écrit comme artiste. Alors bien sûr, j'ai trouvé des choses, par exemple sur la séparation. Quand je dis la séparation d'avec son mari, on peut pas s'empêcher de penser que c'est ce qui a été pour elle moteur dans son œuvre. Mais n'empêche que je préfère me référer toujours à l'œuvre et voilà. Vous êtes qui ? Alors, moi, je m'appelle Agnès Braunschweig. Je suis comédienne et metteur en scène. Voilà, tout simplement. Et alors, pour vous, qui est-elle, cette Charlotte Delbault ? Charlotte Delbault, c'est d'abord une femme. Ensuite, tout de suite après, une femme de théâtre. C'est vraiment ça qui me vient avec le plus d'évidence. Et vous tombez dessus comment ? Eh bien, je tombe dessus tout simplement dans les rayons d'une librairie d'occasion à Paris, au premier étage, à la lettre D. Et voilà, j'empoigne ce livre et je l'emporte avec moi. Et tout de suite, immédiatement, dès la première lecture... Il y a une évidence qui surgit. Vous vous rappelez de ce premier moment, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est quand c'est évident ? C'est quoi ça ? C'est pour Charlotte Delbault, je crois que c'est quelque chose. C'est tout simplement la beauté et la beauté dans une simplicité totale et une immédiateté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de la chercher. Elle est là. Elle est présente. Elle est immédiate dans une sorte de oui, la beauté toute nue, la beauté toute simple avec la beauté qui ne fait pas peur, la beauté humble qui parle immédiatement et qui en plus là parle d'une des choses les plus laides, je crois, qui a pu avoir lieu dans l'histoire de l'humanité et qui en parle avec avec cette beauté-là, et c'est ce contraste incroyable, quoi, qui me voilà, dont je me souviens. Entre le moment de la découverte dans cette librairie, après être tombé sur la lettre D, quand même un peu par hasard, et puis d'avoir eu cet émerveillement, cet enthousiasme, cette révélation, et le choix d'aller faire un spectacle, ça va se passer comment? Quelles vont être les étapes de la décision? Est-ce que ça se fait comme ça, très rapidement? Racontez-nous un peu la genèse de votre spectacle, Agnès Braunschweig. Alors, ce qui s'est passé, c'est donc j'ai lu ce livre dans lequel il y avait deux pièces de Charlotte Delbo. La première qui raconte la séparation d'avec son mari, Georges Dudas, qui était un résistant également, et cette deuxième pièce qui met en scène 23 comédiennes. Donc déjà, en effet, c'est quelque chose qu'on se dit pas immédiatement qu'on va monter à la première lecture, sauf si on a des moyens insensés, que je n'ai pas. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu la pièce, donc j'ai eu en fait ce choc de la beauté, et aussi le fait que Charlotte Delbo, je ne connaissais pas. Et de découvrir quelque chose de si beau que je ne connaissais pas, et que donc je me disais qu'il y avait d'autres personnes qui ne connaissaient pas non plus, parce que bon, j'ai pas une culture infinie, mais voilà, ce nom ne me disait rien, et tout d'un coup je vois cette chose si belle, et je me suis dit, c'est pas possible que ça reste inconnu, c'est pas possible. Alors après, je suis comédienne, fraîche metteur en scène, dans le sens que j'avais à l'époque qu'un spectacle à mon actif, mais ça m'est arrivé comme une évidence qu'il fallait que je fasse quelque chose avec Charlotte Delbo. Au début, ça s'est présenté comme ça. Alors, je ne savais pas encore quoi exactement, mais il fallait que je fasse quelque chose. D'autant plus que en fait, ce qui m'a frappée, c'est que de passer par le théâtre pour raconter le camp de concentration, je trouve ça incroyable. Je le trouve toujours d'ailleurs. Enfin, je trouve ça d'une audace et réussi bien sûr. Enfin, merveilleusement. Et du coup, je me suis dit, il faut que je lise d'autres pièces de l'œuvre de Charlotte Delbo. C'est là que je suis rentrée en contact avec Claudine Riera-Collet, qui est l'ayant droit de Charlotte Delbo, chez laquelle je suis allée pour lire d'autres pièces qui étaient inédites. Et finalement, j'ai beaucoup aimé les autres pièces, mais je suis revenue à Qui rapportera ses paroles, qui racontait vraiment l'expérience du camp elle-même, dans toute sa nudité, dans toute la douleur. Et puis, cette expérience aussi collective, c'est vraiment une pièce qui raconte une collectivité de femmes. Voilà, bon, j'ai commencé à rêver à ce que pourrait être un spectacle qui n'aurait pas 23 comédiennes. La première envie que j'ai eue, en fait, allait vers les jeunes. Tout vient en fait d'un souvenir que je ne suis pas seule à avoir, je crois. C'est qu'en classe de première, un jour en cours d'histoire, le professeur ferme les rideaux et allume soit une télévision, soit un écran, et on a une projection de Nuit et brouillard. Et c'est un film très beau. Mais c'est vrai que je crois que pour beaucoup de gens, c'est une gifle. Et avec des images qui forcément, même si, voilà, qui ont une force, leur force d'image, et quelque chose qui vient s'abattre, donner une perception, une certaine perception, en fait, de l'histoire. Et je me suis dit, quand j'ai lu le texte de Delbo, que peut-être j'aurais préféré passer par ce biais-là, le biais du théâtre, le biais d'une distance, le biais d'une incarnation avec des êtres humains en face qui me racontent cette histoire, même si c'était pas la leur, et que ça pouvait être un autre moyen que je trouvais cohérent, et voilà, pour raconter cela. Thank you. Histoire vivante, cette semaine, féminisme et résistance. Suite de l'entretien avec Christiane Page. Est-ce jouable ? Jouable, ces textes ou... est-ce que ces textes sont jouables ? Ben moi j'ai déjà vu plusieurs spectacles d'elle. Ma question reste. Est-ce que c'est jouable quand même ? Oui, je pense que c'est jouable à condition, comment dire, de ne pas prendre le parti un parti de réalisme. Parce qu'on peut pas jouer ça de façon réaliste. C'est-à-dire qu'il faut une chorégraphie, il faut une manière de dire. Et moi, je pense que c'est tout à fait jouable. Alors maintenant, c'est quand même très difficile. Je me dis, je suis allée voir, j'ai vu le spectacle d'Agnès, hein, qui était magnifique. Mais en même temps, c'est bouleversant. Et moi, c'est pas la question de est-ce que c'est jouable que j'ai envie de poser. C'est la question de qu'est-ce que ça veut dire en tant que spectateur d'aller voir un spectacle sur la déportation. Parce que c'est extrêmement dur quand même. On a beau se dire que c'est beau, mais c'est dur. Donc moi, là, il y a quelque chose qui m'interpelle. Et j'ai vu aussi un spectacle de Thomas Germaine à Avignon. Et où il était sur un tapis roulant en train de marcher pour dire le texte les textes de Charlotte, et à un moment donné on se disait mais il va tomber, il va être épuisé, c'est pas possible, il va pas tenir le coup. Et à un moment donné, il fait référence à une partie du texte de Charlotte Delbo où elle parle, elle raconte comment les femmes, en arrivant au camp, étaient obligées de courir et que les capots leur tapaient dessus. Et donc il nous lit ce passage-là à un moment où nous on se disait mais il va s'écrouler, il va pas tenir. Donc tout d'un coup, je dirais qu'on n'était plus au théâtre, on ne voyait plus la fiction, il y avait quelque chose de complètement réel qui se passait. Voilà. Et là, je me dis, mais où est le plaisir du spectateur ? Pourquoi parlez-vous de plaisir ? Ben voilà, c'est-à-dire que parce que quand on parle de spectateur, on attend souvent, je dirais, un plaisir. Ça peut être un plaisir intellectuel, c'est pas forcément la franche rigolade, mais on attend un plaisir esthétique, on attend même une émotion. Quand on voit une tragédie, il y a quelque chose de l'ordre d'une émotion qui peut nous saisir. Là, le réel qui nous atteint, avec l'œuvre de Charlotte Delbo, c'est quelque chose de beaucoup plus, je dirais, de beaucoup plus aigu et de beaucoup plus grave. On a tous tendance à dire que Auschwitz c'était terrible, mais c'est fini. Quand on voit les actes de barbarie qui ne cessent de se reproduire, on peut se dire que ce dont elle nous rend témoin là, ça continue d'une certaine manière ailleurs, autrement, mais que la barbarie, elle est toujours là. On peut avoir, quand on est dans le théâtre, un rapport au réel qui contient un peu de méfiance, de suspicion. Comment retranscrire le réel, comment parler du réel ? Dans quelle mesure, Agnès Braunschweig, l'écriture de Charlotte Delbo compte à la fois le réel, l'expérience, et qu'est-ce qui fait qu'elle arrive à retourner ça en écriture théâtrale ? Et évidemment, la question vous est directement adressée, est-ce jouable ? Comment ça s'attrape ? Comment on rentre dans un texte comme celui-ci ? Alors c'est très simple en fait. L'écriture justement de Charlotte Delbo est un choix d'écriture théâtrale. Elle n'est pas dans la narration, elle choisit clairement le théâtre, c'est-à-dire de donner à entendre une parole. C'est-à-dire que pour elle, le mot écrit n'acquiert vraiment sa valeur que quand il est proféré. Quand Jouvet, lui, parle aux comédiens, aux jeunes comédiens du conservatoire, et qu'il essaye de leur transmettre son amour du théâtre et ses quelques connaissances en la matière, il leur demande de partir du texte, de partir de la langue, de mâcher les mots, de les dire, les redire d'une manière quasiment mécanique pour essayer de comprendre quelle est la langue de l'auteur. C'est-à-dire, c'est un travail d'artisan. C'est pas tenter d'essayer d'avoir une inspiration magnifique, c'est se mettre dans une position d'humilité par rapport aux auteurs et de croire à une sorte de pouvoir magique du mot. Que le mot, en effet, s'il est dit, redit, travaillé, articulé et le mieux possible, de ce mot va jaillir la pensée de l'auteur. D'ailleurs, c'est assez curieux parce que Jouvet utilise un drôle de mot pour parler de tout ça. Il parle du morceau, comme on pourrait parler d'ailleurs d'un morceau de viande, d'un morceau de beefsteak ou d'un morceau de musique. Oui, tout à fait. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans le, on est dans la chair. On est dans un, dans une parole qui n'est pas, qui est profondément incarnée, qui est physique. Et c'est là aussi où on rejoint quelque chose de complètement paradoxal et qui a été dans mon travail sur sur ce spectacle. C'est que on est à la fois dans un, dans un, dans un moment où le corps disparaît parce que anéanti par la souffrance et la douleur, en même temps où le corps est plus que présent parce qu'il est, il est, il est douleur et que il n'y a que lui qui compte parce que c'est lui qui porte le souffle. Et bon, ça peut paraître un petit peu compliqué peut-être raconter tout ça, mais c'est, pour moi, ça a été, ça, tout s'est imbriqué, dans cette idée de, voilà, que là, que la parole était importante, ce que dit le titre de la pièce. Qui rapportera ces paroles? Et ce que redit Charlotte Delbault quand elle parle à Jacques Chancel dans la radioscopie, elle dit voilà, ce qui était important, c'était que ça soit des paroles et pas seulement des mots écrits. Et c'est ce pouvoir de la parole qui est des paroles de ses camarades vivant avec elle l'expérience d'Auschwitz, et du fait que la parole elle-même soit la chose qui permet à l'humain de subsister à Auschwitz, parce que c'est le moyen d'échange. Et pour elle, dans l'expérience qu'elle raconte, ce qui est fondamental, c'est la solidarité, c'est l'expérience collective, c'est ces femmes entre elles qui ont pu survivre. C'est pas une femme, c'est un groupe de femmes qui a pu, en s'entraidant, survivre. Et comment ces femmes s'attrapent entre elles, bien sûr, elles s'attrapent par leur corps, par leurs bras, elles se soutiennent physiquement, mais c'est également par les paroles, c'est essentiellement même par ces paroles qu'elles échangent. Et elles parlent aussi de la langue française, du fait que c'est grâce au fait qu'elles étaient 230 femmes françaises dans ce convoi. Et que, alors que la plupart des convois mélangeaient finalement des femmes de tous les pays avec des langues différentes, qui du coup n'étaient pas là, c'était non seulement 230 femmes qui se sont connues un petit peu avant de partir en déportation, mais en même temps la langue française était quelque chose qui les unissait et qui leur permettait de vivre une expérience commune en s'aidant. Voilà, elle dit dans la pièce, voilà, des mots que nous comprenons, entendre nous parlons sans cesse pour entendre des mots que nous comprenons. Le ciment de la langue. Ouais, tout à fait. C'est ça qui les lie. Et le moment où elle a, à un moment donné, elle a tellement soif qu'elle ne, elle n'a, sa langue est comme un bout de bois. Elle dit dans sa bouche, elle ne peut plus parler et elle pense devenir folle. Elle ne peut plus échanger. Voilà, c'est la mort qui arrive. Demain, nous retrouverons l'historien et maître de conférence Paul Gradvol, biographe de Charlotte Delbault. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel.